que vous faites ici? Hein? Qu'est-ce que vous lui avez fait? Vous êtes fou! Sortez d'ici! C'est quoi toutes ces merdes là? Je veux voir un médecin. Qui c'est qui s'occupe d'elle? Le docteur Martin. C'est quoi toutes ces merdes? Hein? C'est quoi? Asseyez-vous. Asseyez-vous. Je voulais justement vous voir. État de choc. Vous savez ce que ça veut dire? C'est grave. Dans l'état actuel, on ne peut que réserver le pronostic. On ne peut pas affirmer qu'elle retrouvera un jour sa santé mentale. Soyez fort, mon vieux. La chimie a fait d'immenses progrès. On a de bons résultats avec les électrochocs. Mais n'écoutez pas ce qu'on peut dire comme conneries là-dessus, c'est sans danger aucun. Bon, ça suffit, je vais la chercher, j'emmène avec moi. Écoutez, mon vieux, vous voulez rigoler, je crois que j'ai peut-être pas été assez clair. Cette fille est folle, complètement folle. Tais-toi. Tais-toi, je t'en supplie, tais-toi. Gueule, ta gueule, c'était produit de merde, ils l'ont rendu cinglé, oui. Oui. C'est toutes ces merdes qui l'ont rendu cinglé. Ouais. C'est toi qui l'as rendu malade, ordure. Bonjour Pierre-Michel Yorca. Bonjour. Bienvenue sur le chemin de la philosophie. Vous êtes professeur de psychiatrie à l'université Clermont d'Auvergne, responsable du service de psychiatrie au CHU de Clermont-Ferrand et co-auteur avec Marion Le Boyer d'un ouvrage intitulé « Psychiatrie, l'état d'urgence » paru aux éditions Fayard, qui a fait beaucoup parler de lui, c'était en septembre dernier. À vos côtés se trouve Pierre Sidon. Bonjour à vous. Bonjour. Bienvenue sur le chemin de la philosophie. Vous êtes psychiatre, psychanalyste, praticien hospitalier, médecin directeur du centre de soins d'accompagnement et de prévention en addictologie Union pour la défense de la santé mentale à Champigny-sur-Marne et membre de l'école de la cause freudienne. Merci à tous les deux d'être avec nous ce matin. Alors, la psychiatrie, on peut commencer par l'imaginaire. Difficile de parler de psychiatrie sans avoir tout de suite des images qui viennent, et d'où l'intérêt de cet extrait de 37-2 le matin. Souvenez-vous, c'était en 1985 avec Jean-Jacques Benex. Béatrice Dalle qui, dans l'extrait, est diagnostiquée comme étant folle, Jean-Luc Anglade qui lui-même ne supporte pas cette folie, et le médecin qui le dit clairement, à la fois « faites confiance à la chimie, ça va la guérir », et en même temps, maintenant, vous savez, appelons-la folle. Qu'en est-il exactement? Est-ce que la psychiatrie aujourd'hui, avant de savoir si elle est en crise, est-ce que ça ressemble à l'image qu'on s'en faisait à l'époque en 1985? Pierre-Michel Yorca. J'espère que non. Alors, l'image qu'on s'en fait, c'est encore une autre histoire, mais en tout cas, on peut imaginer que pas tout à fait, puisqu'en fait, l'extrait, alors bon, effectivement, c'était un film, c'était il y a quelques années maintenant, et en fait, la notion appelée un médecin qui dirait cette femme est folle. On peut penser que ça n'existe plus, en tout cas en France aujourd'hui maintenant. Après, on peut peut-être difficile de savoir tout ce que disent les gens dans des situations données, mais je pense que c'est une dénomination qui n'est pas vraiment utilisée, qui n'est plus vraiment utilisée en tant que telle, puisqu'en fait, elle recouvre de la même manière une sorte d'imaginaire de ce qu'est la folie, de ce qu'est une folle, et en fait, qui correspond pas très bien, en tout cas, à ce qu'essaie de faire la psychiatrie dans sa conception médicale. Donc, on parle de malade plus que de fou. Ben, ou de patient. De patients. Alors, on peut utiliser tout un tas de terminologies, mais bénéficiaire des soins, c'est une manière de dire aussi, de patient, on peut parler de sujet, bien évidemment, mais de fou, en qualifiant, en essentialisant les gens à quelque chose dont on n'est même pas sûr qu'on puisse le définir précisément. Je ne suis pas sûr que, à l'heure actuelle, je pense que les choses ont évolué. Pierre Sidon, au-delà de la terminologie, effectivement, on ne parle plus de fou, comment les choses ont-elles évolué? Je suis totalement d'accord avec professeur Yorca, c'est de l'ordre de l'injure presque, je crois qu'on peut prononcer ce mot, et c'est le risque de tout diagnostic du reste, et sans aller jusqu'à l'injure, c'est le risque d'une pétrification. Je suis tout à fait d'accord avec le fait qu'on ne peut pas bien définir ce que ce serait ces espèces diagnostiques, et que donc c'est très risqué de les employer. Mais ce qui m'a frappé dans cet extrait, c'est le côté très tranché de l'opposition entre folie et médicaments. Le médicament étant accusé de générer la folie, ce qui est une idée reçue, je crois, qui a fait long feu. Aujourd'hui, il n'y a plus cet antagonisme aussi marqué. Non, mais on reste très méfiant à l'égard de certains psychiatres, des psychiatres eux-mêmes. Il y a toujours cet imaginaire qui fait que le psychiatre, on lui remet une forme de notre santé mentale. L'expression était employée dans le film, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, et qu'il y a quelque chose d'effrayant. Il y a quelque chose d'effrayant, c'est une dimension humaine fondamentale, qui est celle de la folie et qu'on ne peut pas éliminer si facilement. Les patients eux-mêmes ont souvent cette idée « je deviens fou », ce qui est très émouvant, très étreignant. Et donc on n'arrive pas à éliminer non plus ce terme, si ce n'est de la nosographie, du moins de... pas seulement de l'imaginaire collectif et singulier, mais de, au fond, du sentiment intime, pour certains sujets, de perdre la raison. Et ça, c'est inéliminable. Alors, on va essayer de définir ensemble ce qu'est cette crise que traverse la psychiatrie. Mais d'abord, avant de définir ce qu'est la crise, il faut d'abord définir ce qu'est la psychiatrie. La définition est loin d'être connue par tous et d'être unanime. Pierre-Michel Yorca, dans votre livre, donc, qui s'appelle « Psychiatrie, l'état d'urgence », vous pointez ce qui ne va pas aujourd'hui. Comment définissez-vous, en tant que psychiatre aussi que vous êtes, l'exercice même de la psychiatrie ? En quoi ça consiste ? On peut dire que la psychiatrie, enfin la construction de la psychiatrie telle qu'elle existe, et si on utilise le terme aujourd'hui, c'est construction début du 19e, la notion de médecine mentale, Pinel, les aliénistes, donc eux se qualifient d'aliénistes, on s'occupe des aliénés. Et puis, construction du terme psychiatrie, fin du 19e, et donc on parle à ce moment-là d'une discipline médicale, donc comme d'autres disciplines, qui s'occupe quand même d'un sujet un peu compliqué, parce qu'en fait, on voit bien qu'existe une sorte de représentation dichotomique entre le cerveau et l'esprit. Mmh. Le cerveau, les neurologues, l'esprit, les psychiatres, mais la plupart des psychiatres, à cette époque-là, fin du 19e, début du 20e, ont une interconnexion en termes de pratique d'abord, mais aussi de conceptualisation des maladies. Puisqu'en fait, par exemple, des modèles assez classiques fin du 19e, c'est autour de la représentation, de la construction de maladies liées à, par exemple, la syphilis, la paralysie générale, qui permettent de faire des modèles de construction des maladies. Donc on voit cette interpénétration. Et puis, il y a un moment un petit peu d'évolution au cours du XXe siècle, avec notamment l'apport de la psychanalyse, la représentation du fonctionnement psychique, donc une élaboration autour de ce qu'on pourrait appeler, par analogie, on considère que le fonctionnement pathologique qui est sous-tend les maladies, c'est la physiopathologie. Et ben, dans le domaine de la psychiatrie, ça serait la psychopathologie, une physiopathologie de l'esprit, en quelque sorte, pour faire simple. Et en fait, courant du 20e, on a la psychanalyse, et Freud était un médecin, la psychanalyse créée par Freud irrigue ensuite la psychiatrie avec souvent des modalités, on va dire, si on est un petit peu rigoureux, un peu complexe, et probablement beaucoup, beaucoup d'approximations de part et d'autre, hein, de la construction de la psychiatrie, mais aussi de la façon dont la psychanalyse peut interpeller la prise en charge, la représentation, enfin non, les aspects théoriques de certaines maladies psychiatriques. Et puis on arrive fin du 20e siècle, 68, 72, séparation de la neurologie et de la psychiatrie. Donc là, c'est un moment assez intéressant, puisqu'en fait... C'est la loi Faure en 68. Et voilà, et puis 72, les derniers titres de neuropsychiatre sont donnés. Et il y a encore quelques personnes en exercice qui ont le titre de neuropsychiatre, parce qu'on peut prendre sa retraite tardivement quand on est médecin. Et en fait, qui ont eu un double cursus, en quelque sorte, et une qualification de neuropsychiatre. Ça n'existe plus. Alors, on peut avoir une double qualification maintenant si on fait l'effort pour ça, mais il n'y a pas une qualification intégrée. C'est-à-dire qu'on dissocie l'exercice de la psychiatrie de celui de la neurologie. Tout à fait. Avec une neurologie qui s'occupe du cerveau en tant que tel. Alors, ce qui est intéressant, c'est que la neurologie a investi des champs qui sont ceux du mouvement, par exemple, dans le Parkinson, ou de processus plutôt identifiés par les aspects moteurs, ou ceux de des fonctions cognitives, au sens des fonctions cognitives, de la capacité, par exemple, fonction exécutive, qu'est-ce qui permet de raisonner, de construire sa pensée, compter, etc., etc. Et donc, en fait, quelque chose avec des capacités d'identification beaucoup plus, en tout cas, tranchées. Identifier le mouvement, identifier les capacités, par exemple, à faire des opérations abstraites, ça peut se quantifier. Donc ça, c'est la neurologie. Mmh. Et la psychiatrie, elle, est restée dans une sorte d'entre-deux, en particulier dans les années 70 jusqu'aux années 80, entre est-ce que c'est une discipline médicale ou est-ce s'agit-il d'une discipline qui fait partie des sciences humaines et sociales et qui se préoccupe uniquement de ça. En sachant que la réalité, c'est que au quotidien, pour être psychiatre, faut être médecin. Donc en fait, on a un cursus médical, donc d'apprentissage des sciences médicales, et donc forcément sur lequel vient se greffer un autre chose qui est effectivement d'autres possibilité d'identifier les problématiques qui sont liées au désordre de l'esprit, pour parler simplement. Et dans votre livre, donc co-écrit avec Marion Le Boyer, vous citez bien l'intérêt pour vous, même l'urgence, de convoquer davantage les recherches scientifiques pour venir en aide à la psychiatrie aujourd'hui. Sur ce point-là, Pierre Sidon, vous êtes aussi psychanalyste. Alors, Pierre-Michel Yorca parlait à l'instant du covoisinage qu'il y a eu entre psychiatrie et psychanalyste. Plus qu'un covoisinage, si vous me permettez. Voilà, à l'époque, aujourd'hui, la question se pose. Est-ce que la psychiatrie doit aller davantage du côté des sciences ou davantage du côté de la psychanalyse ? Oui, enfin, la psychiatrie, c'est vrai que le terme remonte au 19e siècle, mais sa pratique est beaucoup plus ancienne. Sa pratique se raffine depuis au moins le 16e siècle, avec ce qui a été évoqué hier de l'enfermement, repéré par Michel Foucault comme étant, au fond, le processus par lequel s'est sédimenté une certaine catégorie de sujets qu'on a regroupés pour des raisons principalement de pauvreté, d'errance, parfois de délinquance. Et ce dépôt s'est raffiné au fur et à mesure des siècles, et il se trouve que ce sont des médecins qui s'en sont occupés. Mais au départ, ça n'était pas des médecins. Il y a eu tout un mouvement religieux, puis ensuite un mouvement assistentiel, hygiéniste, de charité, qui s'est laïcisé, sécularisé, et des médecins se sont trouvés s'occuper de cette population qui progressivement s'est raffinée, c'est-à-dire qu'on a fait sortir des gens, et il y en a qui ne sont pas sortis. Mmh. Et ceux qui ne sont pas sortis, ce dépôt, on peut le dire, ce sédiment a constitué la psychiatrie. Donc c'est une histoire d'une rencontre, d'une profession, qui d'une part s'est effectivement scientifisée, enfin qui a toujours été du côté de la science. La médecine a toujours essayé d'être aux côtés de la science de son époque. Et là, on va voir aujourd'hui comment elle est du côté de la science de son époque. Et d'autre part, cette population dont les médecins se sont occupés, sans que, le professeur Liorca le décrit très bien dans son livre, sans que pour autant ne se développe la méthode anatomoclinique qui permettait en médecine de relier des anomalies somatiques à des symptômes. Mmh. Ça, en psychiatrie, ça ne s'est pas développé. Donc, la scientificité de la psychiatrie s'est arrêtée là où on n'a pas découvert ce qu'on a découvert en médecine. Mais ce sont toujours des médecins qui sont restés en charge de s'occuper de ces patients. Et donc, s'est développée, en effet, comme le dit mon interlocuteur très justement, la psychopathologie, à la place de cette physiopathologie qu'il n'y a pas. C'est-à-dire que la causalité est une causalité, dans ces années-là, on s'est référé à une causalité psychique. Qu'en est-il aujourd'hui ? Sur la question que je vous posais justement, sur la nécessité pour la psychiatrie, pointée par Pierre-Michel Yorca, d'investir davantage la recherche scientifique pour la faire évoluer dans le bon sens, et peut-être du coup se prendre cette distance, je ne sais pas si c'est ce que vous présupposez, avec la psychanalyse, avec une autre méthode. Oui, il me semble que c'est ce qui est indiqué dans une partie de ce livre, c'est cette volonté de se scientifiser, qui pour l'instant n'a pas pu se réaliser malheureusement, on n'a pas trouvé les moyens de cette corrélation entre des anomalies objectivables au niveau du corps et des symptômes psychiques. Mais est-ce que l'un se fait forcément au dépend de l'autre ? Est-ce que dire qu'il faut ancrer la psychiatrie davantage dans la recherche scientifique ? Pas du tout. Je crois que c'est vraiment quelque chose qui est... je crois que la réalité, c'est que c'est vraiment des oppositions qui ont eu une fonction, qui est plutôt une fonction sociale, politique à des temps donnés, mais qui n'ont pas beaucoup de sens si on y réfléchit un peu. Qui peut dire, une fois de plus, on est sur cette interface entre cerveau et esprit. C'est quelque chose qui est intéressant parce que c'est une interface qui est très complexe et qui pose des problèmes épistémologiques dans la manière dont on peut mener des recherches dans ce domaine-là. Et donc cette interface-là, elle convoque des difficultés très importantes sur la manière dont on peut tirer, je vais dire, tout ce qui sont les sciences médicales du côté justement des sciences naturelles, avec des définitions de maladies comme des choses naturelles, et de l'autre côté, tout ce qui est du domaine de l'esprit, avec des éléments qui relèvent plus des éléments psychologiques individuels ou éventuellement des éléments sociaux. Or, en fait, il ne s'agit pas d'opposer l'un à l'autre. La réalité de chaque individu, elle est qu'on est à la fois un cerveau qui fonctionne d'une certaine manière et à la fois un esprit qui fonctionne également. Et en fait, il est difficile de faire l'assomption que l'un et l'autre n'ont rien à voir. Mais même l'élément qui est très intéressant et qu'on essaie de pointer, qui est un mouvement à l'heure actuelle, c'est que la réalité du fonctionnement de l'esprit et la réalité du fonctionnement du cerveau n'est pas du tout séparable du fonctionnement corporel. Et c'est même, à l'heure actuelle, on doit envisager les sujets dans leur globalité, premièrement, c'est-à-dire pas un cerveau, un esprit et un corps, puisqu'en fait, il y a de nombreux éléments qui mettent en évidence que... Alors, vous savez, en ce moment, il y a une grande mode autour du microbiote, l'intestin, le deuxième cerveau. Mmh. Bon, jolie formulation. La réalité, c'est que ça veut dire que notre esprit donne des ordres par le biais de notre cerveau, donne des ordres à notre intestin, pour faire simple, et notre intestin donne des ordres à notre cerveau. On découvre de plus en plus ces modalités-là d'interaction. Pourquoi c'est important pour vous Parce que, en fait, la compréhension, je veux dire, on ouvre un champ de complexité supplémentaire. Sauf que réduire les gens, je veux dire, ne pas affronter la complexité, ça ne fait pas progresser la science. Donc, en fait, ça, c'est un problème. Mais ça pose un problème, c'est-à-dire qu'il faut s'imaginer qu'à l'heure actuelle, si on veut appréhender la situation, d'une façon la plus, on va dire, réaliste possible, il faut bien entendu considérer les problématiques de la psychiatrie comme nécessitant des dialogues avec des gens qui s'occupent de sciences sociales et humaines, avec des gens qui font des neurosciences, et avec des gens qui s'occupent d'inflammation, de problèmes digestifs, etc. Parce que c'est de ça dont il s'agit. Donc en fait, on est obligé d'opérer des réductions parce qu'on n'arrive pas à appréhender, y compris conceptuellement, tous ces éléments-là, et d'un point de vue expérimental, mais on a absolument besoin de ces dialogues-là. Et c'est de ça dont il s'agit. Donc après... Les débats, je veux dire une fois de plus, qui ont des fonctions sociales, politiques, etc., d'opposer les uns aux autres, c'est pas un souci. On peut rentrer dans ces débats-là, des débats idéologiques, pourquoi pas. Moi, je veux dire, après tout, on peut parler d'idéologie, mais c'est un autre sujet. Donc vous ne dites pas, parce que c'est ainsi quand même que c'est ce qu'on voit en partie dans votre livre, et c'est ainsi qu'il a été reçu, qu'il faut davantage investir la recherche médicale qu'une autre approche, la recherche scientifique, pardon, pour la psychiatrie, qu'une approche qui serait plus de l'ordre du dialogue et qui s'allierait à la psychanalyse. On dit précisément qu'il faut investir la recherche scientifique, neuroscientifique, et les sciences humaines et sociales, et qu'il faut développer la recherche dans ces domaines-là. On l'écrit, c'est écrit. Pierre Sidon, c'est ainsi que vous l'avez lu ? C'est écrit. Oui, c'est écrit, mais il y a aussi la référence à la psychanalyse est connotée de référence datée, référence théorique datée, perte d'influence certaine. Voilà, et ça n'est pas écrit frontalement, mais enfin c'est quand même ce qui se lit. La psychanalyse n'est pas une science sociale. La psychanalyse est une pratique. D'abord, c'est une pratique qui est exercée par nombre de psychiatres. Donc, en effet, il y a l'idée que c'est un débat dépassé pour les auteurs, qu'on a déjà tourné la page. Donc, c'est même pas la peine d'en parler. C'est écrit comme ça. Et pourquoi voulez-vous en parler alors ? Qu'est-ce qui vous paraît important de pointer ici ? Ce qui me paraît important de pointer, c'est que on n'a rien d'autre pour s'occuper des patients. C'est-à-dire que les éléments qui sont avancés dans ce livre sont des éléments prospectifs, au conditionnel, de façon très optimiste. Vous savez, c'est un livre qui répercute une rhétorique de la psychiatrie universitaire qui est ancienne et qui existe déjà depuis 30 à 40 ans. C'est une rhétorique dans laquelle on espère qu'on va trouver enfin la causalité organique de ces troubles de l'esprit, comme dit le professeur Liorca. Mais pour l'instant, on n'a rien. Et on n'a pas non plus de système de classification. Vous le disiez à ce micro même en septembre dernier, les classifications actuelles ne fonctionnent pas. Alors c'est un petit peu embêtant parce qu'une recherche qui se base sur des classifications nécessairement ne peut plus fonctionner. Et du reste, vous déploriez que la recherche, l'industrie avait abandonné la recherche en santé mentale, ce qui est tout à fait exact. Parce que les systèmes qui sont utilisés pour la recherche, malheureusement, ne semblent pas donner de résultats pour l'instant. Donc, promouvoir la recherche aux dépens de ce qui fonctionne actuellement, c'est problématique. Ce qui fonctionne, c'est d'accueillir les patients et de parler avec eux. Et ça fonctionne. On peut pas dire que ce sont des systèmes de classification qui ne fonctionnent pas. Parler avec quelqu'un, avec la psychopathologie, qui n'est plus enseignée aujourd'hui par les universitaires, on n'a que ça, avec quelques médicaments qui ont été découverts dans les années 50, Et comme disait Madame Buzyn, notre ministre de la Santé, il n'y a pas de découverte technologique en psychiatrie. Quand vous parlez de rhétorique universitaire, vous faites allusion à ces catégories mises en place et ces classements qui permettent d'identifier des maladies selon des voilà. schémas et dans des tableaux qui vous paraissent voilà coupés de la réalité, c'est ça ? Le DSM, qui est la classification qui a été très réformée et amplifiée dans les années 80, à partir de son itération numéro 3, a été utilisé pour former des générations de psychiatres aux dépens de la psychopathologie, et a pris la place de la psychopathologie, et là on en est au DSM-5, qui est sorti dernièrement, et qui, de l'aveu de tous, y compris du professeur Liorca, ne fonctionne pas. Donc il n'y a plus de classification aujourd'hui, et il n'y a plus de référence clinique. Et le problème de la classification, c'est que ça introduit une normativité, en fait. La maladie est dit malade ou souffrir de troubles mentaux, celui qui rentre dans des cases... Il y a toujours un risque de normativité, mais il est important de se repérer cliniquement pour savoir quelle est la problématique qu'on a à traiter. C'est d'ailleurs un point sur lequel les auteurs du livre insistent fort justement, c'est qu'il est nécessaire de se repérer. Alors la question du diagnostic évidemment n'est pas transposable telle quelle de la médecine, c'est pas si simple parce que en médecine on a justement le moyen d'aller regarder dans le corps ce qui se passe oui. et de faire une vraie preuve. Mais alors c'est ça toute la question, c'est est-ce que la psychiatrie ou le psychiatre est un médecin doit être spécialisé ? Est-ce que le psychiatre est un médecin spécialisé ? Et si oui, dans quel domaine ? Ou est-ce que finalement ce que fait le psychiatre, d'autres médecins pourraient le faire ? Pierre-Michel Liorca. Le psychiatre aujourd'hui, dans tous les pays du monde, est un médecin spécialisé. Donc il a un cursus médical, premier et deuxième cycle, et en troisième cycle, il fait une spécialité dans laquelle on lui enseigne la sémiologie psychiatrique, donc les signes et symptômes, élément important, probablement qui gagnerait à être plus développé, mais bon, c'est un autre débat. On lui enseigne justement les aspects de définition des maladies, on lui enseigne l'utilisation des techniques, qu'elles soient pharmacologiques ou psychothérapiques, et on lui enseigne également tous les éléments qui font référence à la position, on va dire, sociale du psychiatre, puisque le psychiatre est le seul médecin dont la spécialité lui donne le pouvoir, par l'évaluation qu'il fait d'un sujet à intenter, de priver ce sujet de liberté. Puisqu'en fait, ça fait référence aux lois qui permettent de donner des soins contre sa volonté à un sujet qui présente un trouble empêchant de donner un consentement aux soins, sans parler même un trouble entraînant un risque pour l'ordre public et la sécurité des personnes. Mais ça, c'est dans certains cas, parce que dans votre livre, vous montrez bien aussi qu'il y a un élargissement de la notion même de maladie bien en sûr, psychiatrie. Mais c'est simplement pour vous donc demander... Donc, on reste-t-il de la spécialité du psychiatre, dès lors que la maladie elle-même, la maladie dite psychiatrique, devient finalement une maladie comme les autres. On vous lit, on voit qu'il y a 2,5 millions de personnes touchées par la dépression aujourd'hui. C'est énorme. Si la dépression est un trouble psychiatrique, alors il faut beaucoup plus de psychiatres. Ben, en fait, la question, c'est le problème de l'organisation de la médecine. Puisqu'en fait, ça a pas grand chose. Enfin, c'est un élément qui peut se poser dans toutes les disciplines. Des hypertendus, il y en a énormément. Je veux dire, les gens qui ont un problème d'hypertension, il y a plusieurs millions de gens qui ont des hypertensions, il y a plusieurs millions de gens qui ont des problèmes de diabète, par exemple. Et ça ne veut pas pour autant dire qu'il faut plus de cardiologues ou plus d'endocrinologues. Voilà, alors pourquoi faudrait-il plus de psychiatres ? Mais parce que, enfin, il y a deux aspects. Alors, la question de plus de psychiatres, c'est une question qui peut se poser, justement, qui n'est pas aussi univoque que ça. En fait, donc, dans une discipline, il y a une organisation des soins qui fait qu'effectivement, les patients... Dans toute discipline médicale, on a des parcours de soins avec un travail qui est fait en médecine de soins primaires, comme on dit, et puis des spécialistes qui peuvent s'en occuper, etc. Donc en fait, c'est cette articulation qui se fait. Une des spécificités de la psychiatrie, c'est que en fait, certaines des modalités de soins, d'abord, on est confronté à de nombreux patients qui ont des pathologies chroniques, c'est-à-dire qui évoluent dans le temps. C'est-à-dire quand vous voyez un cardiologue... Vous le voyez et vous le reverrez peut-être 5 ans plus tard, sans avoir besoin d'intervention particulière entre-temps. Il se trouve que en psychiatrie, un certain nombre de pathologies nécessitent des soins qui se prolongent dans le temps. Donc ça, c'est le premier élément. Et, comme je le disais, la formation des psychiatres comprend notamment, dans leur formation de troisième cycle et dans les formations qu'ils peuvent acquérir ultérieurement, la capacité à maîtriser des stratégies thérapeutiques qui peuvent pas être mises en œuvre autrement. Mais il y a d'autres professions qui peuvent avoir ce type de stratégie thérapeutique, par exemple les psychologues. Il se trouve qu'on est dans un pays, et c'est un des éléments qu'on souligne, dans lequel, pour différentes raisons, le partage des possibilités de travail dans le domaine de la médecine et dans le domaine de la psychiatrie notamment est assez complexe, et notamment sur les simples faits des notions de remboursement. Les consultations psychologiques ne sont pas remboursées. C'est une question, alors il y a des expérimentations, ça fait des années qu'on parle de ça, c'est une problématique tout à fait réelle, puisqu'en fait, les recommandations, ça c'est un des éléments typiques de la réflexion, les recommandations professionnelles données par la Haute Autorité de Santé, qui fut dirigée par Mme Buzyn, actuellement ministre de la Santé, disent pour la plupart des troubles psychiatriques qu'il est nécessaire, en première ligne, d'utiliser des stratégies psychothérapiques. Mmh. Très bien. Ces stratégies psychothérapiques sont faiblement accessibles. Alors, je vous parle même pas des problèmes de territoire. Moi, je viens des régions. Et donc, en fait, je vous parle même pas de cet aspect-là. Sont faiblement accessibles, tout simplement pour des raisons de la prise en charge, par exemple, par des psychologues, de façon remboursée, n'est possible que dans les hôpitaux publics ou les structures afférentes. Et en fait, elle n'est pas possible pour un certain nombre de gens, que ce soit pour des raisons de distance ou que ce soit pour des raisons économiques. Ça, c'est un vrai débat. C'est un débat, c'est-à-dire comment on peut faire en sorte que des professionnels ayant des compétences dans le registre du soin, qui est du soin basé sur des stratégies psychothérapiques, puissent être accessibles à tout point de vue, je vous dis, géographiquement, mais aussi économiquement, par tous les gens qui peuvent en avoir besoin. Et ça, c'est quand même un débat qu'on... Alors, donc lequel... le problème, il serait en partie financier. Ben, notamment, je veux dire, dans notre pays... Le problème du soin, on vit dans un pays où la solidarité nationale, c'est le principe même qui a fondé la sécurité sociale, est essentielle pour le financement du soin. Alors on peut débattre beaucoup de la manière dont ça fonctionne, mais c'est quand même un enjeu important. Je veux dire, le coût d'une psychothérapie, il est réel. Alors on peut débattre. Donc vous voudriez que ce soit remboursé intégralement par la sécurité sociale? Ah ben je pense qu'en tout cas... Parce que s'il y a 2,5 millions de dépressions en France, ou de dépressifs en France, et qui doivent être prises en charge par un psychiatre ou recevoir un traitement de psychothérapie qui soit remboursé, c'est vrai que là ça change complètement le mode de fonctionnement. Ben je pense que c'est un des enjeux sur lesquels il faudrait qu'on avance. Et les psychiatres ont leur... d'abord leur mot à dire, mais aussi leur part de responsabilité sur la fonction, le fait que ça ne fonctionne pas exactement. Mais les médecins, globalement, pour les délégations de compétences, on pourrait dire ça comme ça, alors c'est un terme qui est souvent connoté, pour les délégations de compétences, les médecins en France, de manière historique, il y a un très bon bouquin de Didier Tabuteau là-dessus, sur les officiers de santé, je veux dire, il y a une réalité autour de ça, et ce pauvre monsieur Bovary est un exemple de la manière dont on peut envisager les officiers de santé dans notre pays, ce qui a conduit, je veux dire, les médecins à faire disparaître ce corps au début du XXe siècle. Donc il faut garder ça en tête et en fait il y a vraiment par exemple des enjeux de ce type-là mais qui nous poussent aussi à réfléchir et je suis d'accord avec ce qui était dit sur la manière dont on soigne les gens bien sûr mais donc on voit bien que je veux dire on peut pas résumer les choses à des sortes d'oppositions de corps professionnel ne permet pas d'envisager le fait que une des difficultés c'était un des objets de ce livre la psychiatrie est insuffisamment, la psychiatrie et les soins en psychiatrie n'est pas un objet politique d'intérêt, en tout cas, dans ce pays. Pierre et Cidon, ça, c'est un problème. Sur ce point-là. Oui, votre question, c'était, est-ce que c'est une spécialité à part? Est-ce que... On a coutume de dire que c'est plus qu'une spécialité, c'est une discipline, disait-on. Une discipline, c'est-à-dire que, en effet, on ne peut pas la comparer aux autres spécialités médicales, même si le désir des auteurs de ce livre serait de neurologiser, de revenir avant cette séparation que vous avez citée de 68 entre la psychiatrie et la neurologie. C'est votre désir, Pierre-Michel Niorca? Pas du tout. Ah pas bon du tout. Donc en fait, c'est probablement qu'on s'est mal exprimé, qu'on l'a mal écrit, mais c'est pas du tout ça l'idée. Je vais vous laisser continuer, bien évidemment. Pour moi, j'ai eu un débat avec un collègue qui disait que la psychiatrie n'est pas de la médecine. Moi, pour moi, la psychiatrie, c'est le parangon de la médecine. Pourquoi le parangon ? Parce que je pense qu'en psychiatrie, nous avons un certain nombre de compétences qui sont du registre de quelque chose qui est fondamental dans la pratique médicale au sens large, qui est l'interaction avec les gens, la relation, la rencontre avec les personnes. C'est le cas de tout médecin soigne un patient. Et je pense que pour nous, nous avons une appréhension de une capacité d'appréhender cette relation d'une façon pour laquelle on est formé, on peut débattre de la formation, etc., mais pour laquelle on est formé, et pour laquelle, je pense qu'en médecine, la plupart des étudiants en médecine et des médecins formés actuellement dans d'autres disciplines ne sont pas assez formés. Et c'est un réel problème dans la formation médicale. Donc pour moi, l'idée, c'est pas du tout de neurologiser la psychiatrie, mais l'idée, c'est simplement de considérer la discipline psychiatrique comme une discipline particulièrement importante, du fait justement de l'ensemble des compétences qui sont à l'œuvre. Mais l'ensemble des compétences, c'est-à-dire notre capacité de gestion de la relation et de la rencontre, comme c'était évoqué tout à l'heure, mais aussi notre capacité d'appréhender les dimensions qui sont justement systémiques, neurologiques, etc., qui font partie aussi de notre pratique. Pierre Sidon. Oui, c'est tout de même indiqué dans le livre que une des propositions, c'est de renforcer la formation médicale des internes en psychiatrie. Donc il y a une orientation très décidée vers le corps et l'idée de tourner cette page alors vous dites l'accueil, et là je suis tout à fait d'accord avec vous, une des fonctions essentielles du médecin, en effet, c'est une fonction de la parole, mais c'est justement la fonction qui se perd, non seulement en médecine, mais surtout malheureusement en psychiatrie, et ça on ne peut pas nier que c'est pas sans rapport avec l'enseignement de la psychiatrie tel qu'il s'est produit depuis plusieurs décennies. Dans lequel, en effet, on cherche à se rapprocher des sciences biologiques, de la génétique, et on a de très très nombreux témoignages de patients passés par des centres hospitaliers universitaires et qui n'ont pas pu parler de ce qu'ils avaient dans leur tête. Mais est-ce que vous allez jusqu'à dire, Pierre Sidon, que c'est par la parole aussi qu'on peut soigner le patient? C'est-à-dire qu'il y a une chose, la recherche scientifique est une chose, la connaissance neurologique d'une maladie est une chose, une autre est le soin que l'on peut apporter par l'écoute et par la parole. Écoutez, les mots guérissent. Les maladies psychiques, ce sont des êtres de parole. On les traite au niveau où elles se structurent. Mais l'origine est langagière d'une maladie psychique. L'origine est une origine langagière, puisque, écoutez, jusqu'à preuve du contraire, et c'est la pratique depuis des centaines d'années maintenant, de parler avec ce qu'on appelait les fous, ce qu'on appelait les insensés, ce qu'on a appelé les aliénés. Aujourd'hui, on a parlé de schizophrénie, jadis de psychose, de dépression, de mélancolie. Au fond, on n'a que ça. Et ça n'est pas la recherche qui nous donne les moyens de nous occuper au quotidien de ces patients. Mais alors, c'est évidemment, justement, l'objectif de ce livre, c'est de mettre en cause le traitement quotidien par des psychiatres dans des secteurs de psychiatrie, de mettre en cause ce traitement. Par exemple, on donne l'exemple d'un dénommé Vincent qui est dans sa chaise, qui dit qu'il ne s'en sort pas, que s'il n'est pas complètement immobilisé par les médicaments, s'il n'a pas la bave qui lui coule de la bouche, c'est une image vraiment décrite de façon très pathétique, on fait témoigner ce patient pour dire que la psychiatrie de secteur s'occupe pas bien des patients. Je trouve ça très dommageable pour les collègues, alors que bien souvent on n'a rien d'autre que les dispositifs dont on dispose aujourd'hui sont les traitements qui ont été découverts il y a 70 ans. Mmh. Il y a eu quelques petites améliorations récentes sur les effets indésirables, mais qui ne résolvent pas ces problèmes-là, que parfois on ne s'en sort pas, et donc on parle avec les gens. Mais ça veut dire que la psychanalyse peut venir supplanter la psychiatrie, s'y substituer ? Pas du tout, mais c'est la psychanalyse qui a permis d'aborder par la parole, de façon beaucoup plus sélective et de beaucoup plus spécifique, les difficultés de chacun. Dans le livre, il est fait mention partout d'une médecine très spécialisée qu'on appelle de ses voeux. Tout le monde appelle de ses voeux une médecine de la psyché très spécialisée. Mmh. Mais on ne l'atteint pas pour l'instant par la recherche des causes somatiques, car on n'a rien. On parle partout des marqueurs biologiques spécifiques, mais c'est de la science-fiction. Je vous donne un exemple. On a eu l'opération dépression depuis les années 80 avec les nouveaux antidépresseurs. On a vendu ça, on a marketé ça avec la sérotonine. Il est écrit dans le livre que aujourd'hui il y a une corrélation prouvée entre la sérotonine et la dépression. Fake news. Il y a beaucoup d'études là-dessus, il y a des centaines d'études maintenant depuis des années. Il n'y a aucune corrélation retrouvée, malheureusement. Ça vous fait rire, Pierre-Michel Lurca ? Non, mais enfin, on voit bien. Je ne crois pas que ça soit une modalité de débat qui soit beaucoup d'intérêt. Personnellement, je pense les que les enjeux sont importants quand même. Non, mais les enjeux sont importants, mais je veux dire, si on commence à s'envoyer à la tête la littérature, qu'il y a un lien entre des dysrégulations des neurotransmetteurs et les pathologies psychiatriques, je ne pense pas que ça soit une fake news. Mais après, il faut s'entendre ce que sont les fake news. Donc, moi, je suis pas d'accord avec ça, mais manifestement, il doit en être ainsi dans le débat. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que je trouve intéressant, dans ce livre, on a travaillé avec des associations de patients et des associations de familles de patients. Les témoignages sont ceux que eux nous ont rapportés. Ils n'ont pas vocation à dire, contrairement à ce que vous dites, on me rapporte que ce ne sont pas des témoignages universels, ils n'ont pas de vocation de généraliser. C'est simplement un des éléments qui est important pour nous, une fois de plus, je me répète, ce livre a une portée, de mettre d'essayer de mettre en lumière des problématiques qui sont rapportées par plusieurs acteurs, et pas simplement les hôpitaux universitaires. Il s'agit d'un certain nombre d'acteurs qui pense qu'il y a une crise qui a de nombreuses causes pour lesquelles on a essayé justement de simplement, au lieu de déplorer les difficultés, de faire des propositions. Mmh. Toutes propositions sont bien sûr critiquables, mais il n'empêche qu'il ne s'agit pas de remplacer une chose par une autre chose, il ne s'agit pas de stigmatiser quoi que ce soit, il s'agit de dire simplement, un des éléments qu'on souligne, il y a énormément d'initiatives qui se mettent en œuvre dans le domaine de la psychiatrie, de tout un tas de natures. Je ne parle pas simplement de projets de recherche et de modalités de soins qui se développent liés à l'initiative des gens, à leur réflexion, à leur pratique justement. Et en fait, ces différents éléments sont insuffisamment connus, insuffisamment relayés, insuffisamment partagés. Et il y a un vrai enjeu autour de cela. Donc, si on... Je ne comprends pas ce que vous voulez dire, pardon. Concrètement, de quoi parlez-vous? Par exemple, on peut donner, par exemple, des exemples. J'avais donné cet exemple-là dans un autre moment où on discutait. On disait, il n'y a pas de progrès en psychiatrie. En psychiatrie, une des problématiques des patients, souvent, c'est d'avoir des difficultés à pouvoir travailler parce que leur maladie les empêche de fonctionner. Alors, le terme fonctionner n'est pas le bon, mais en tout cas de fonctionner socialement. Le travail, c'est pas une fin en soi. Le but, c'est pas de les remettre au travail dans l'idée d'une grande machine capitaliste. L'idée, c'est que le travail a une fonction sociale et que pour un certain nombre de patients, c'est important. Mmh. Les modalités organisées en France par rapport à cela et sont celles de travail dans des milieux dits protégés, dans lesquels les gens travaillent dans des travaux qui sont généralement peu spécifiques, qui sont pas forcément les travaux qui correspondent à leur intention initiale. Donc ça, c'est un élément. En fait, c'est la question de l'insertion. Comment il s'insère? Du patient donc, au sein ça, de la société. Est-ce qu'il faut le maintenir hors de la société dans une structure spécialisée ou est-ce qu'il faut faire en sorte qu'il puisse s'insérer? Ça, c'est les possibilités d'insertion. Et donc, en fait, les modalités existent. Mais en fait, il y a des initiatives qui permettent de dire, eh bien, Monsieur X, Madame Y veut travailler à une pathologie psychiatrique, souhaite travailler. Mais il ne souhaite pas faire un travail qui ne corresponde pas à ses aspirations, indifférencié dans un milieu protégé, il souhaite travailler dans un milieu ordinaire et il souhaite travailler dans un travail qui l'intéresse. Eh bien, comment on met en place, dans un contexte comme cela, des modalités de soutien des patients, ce qu'on appelle le soutien en emploi, qui sont des innovations organisationnelles, des réelles innovations spécifiques. Ces éléments-là ne sont pas suffisamment diffusés, connus, relayés. Et en fait, si on résume les choses à dire, ah ben, on veut faire travailler les gens pour les remettre dans le système. Non, je pense que ça contribue de l'évolution des patients au long cours. Donc c'est un exemple parmi d'autres où en fait toutes ces modalités-là, toutes ces innovations qui se multiplient à droite et à gauche, je veux dire, sont des choses dont il faut que de manière un peu globale, on prenne conscience, la société prenne conscience des modalités de soins des patients ayant des pathologies psychiatriques et puisse soutenir ces éléments-là. D'un côté, soutenir la recherche, bien évidemment, mais de l'autre, soutenir toutes les innovations qui vont dans le sens de l'accompagnement, du soin, du Mais qu'est-ce qui vous inquiète, en fait? C'est que ces données-là soient pas assez connues? C'est que les solutions mises en œuvre ne sont pas les bonnes? Ce qui m'inquiète, c'est que... Parce que le nombre de psychiatres, il y a 15 000 psychiatres en France, c'est un nombre énorme. Absolument. Et quand on compare, on est, après l'Islande et la Suisse, on est le pays pour lequel il y a le plus haut taux de psychiatres par rapport à la population. Alors, où se situe le problème? Une des questions qu'on peut se poser, c'est les modalités d'organisation, l'articulation par exemple avec les médecins de soins primaires, par exemple. Il y a, ça c'est le premier élément, l'organisation du, la répartition du soin. Bon, quelque chose qui est bien connu dans le domaine de l'organisation de la médecine, l'articulation très importante en psychiatrie entre ce qui est du domaine sanitaire, les soins, ministère de la Santé, et ce qu'on appelle le médico-social, qui contribue à l'accompagnement. Ça existe dans toutes les disciplines. En psychiatrie, ça a un poids extrêmement important. Il se trouve que c'est ce dont deux secteurs qui fonctionnent quasiment de manière imperméable l'un par rapport à l'autre. Ça, c'est un enjeu extrêmement important, organisationnel et financier, mais qui doit être pensé. Mmh. Il ne s'agit pas simplement de... c'est pas une rationalisation, c'est simplement d'essayer de faire que les gens puissent véritablement travailler ensemble, ce qui se fait mais qui est très difficile et qui est vraiment un enjeu politique. Et ça, c'est ça la question, Pierre Sidon. Faut-il faire en sorte que les personnes soignées pour troubles mentaux doivent être absolument réinsérées dans la société ou faut-il au contraire maintenir des structures où elles puissent elles-mêmes se soigner véritablement sans forcément rentrer dans la société? Oui, il y a tous les degrés de... C'est les logiques intra ou extra-hospitalières? Oui, enfin, il n'y a pas de... C'est pas si tranché dans la pratique. On essaye toujours d'ajuster au cas par cas et c'est ça qui fait la spécificité de cette discipline. d'ajuster au fond. Parfois, l'idéal de travailler peut ne pas convenir et rendre malade. D'autres fois, on arrive à, en effet, trouver une formation, une place, et on met des années pour ça. Ça, c'est ça qui fait tout le travail au quotidien, notamment du secteur psychiatrique, qui est critiqué dans ce livre. C'est un travail d'insertion sur des prises en charge au très long cours. Le professeur Liorca parlait de fonctionner, c'est un terme effectivement qu'il a dit et récusé. En effet, il est compliqué de considérer l'être humain comme une machine, ce que parfois les neurosciences voudraient faire. On peut pas non plus insérer de façon idéale, selon une norme, tel et tel sujet. Donc c'est ça qui fait la spécificité de ce métier, de cette discipline spécifique qui est la psychiatrie. Mais sur le constat que vient de faire Pierre-Michel Liorca sur l'état actuel de la psychiatrie, qui aurait des enjeux qui soient à la fois financiers et politiques, de prise en charge, est-ce que vous partagez ce constat-là ? Les enjeux politiques sont clairs, ce sont des enjeux de société, en effet. Pierre-Michel Liorca, dans son livre avec Marion Le Boyer, parle de l'articulation avec le médico-social, mais souhaite se débarrasser de cette brique intermédiaire entre les deux, qui est la psychiatrie de secteur. C'est-à-dire qu'il voudrait directement... Qu'est-ce que c'est la psychiatrie de secteur ? La psychiatrie de secteur, c'est la psychiatrie qui s'occupe de tous les patients en France, quasiment. Parce qu'il y a la psychiatrie universitaire qui n'est pas sectorisée en général ou très rarement. Juste pour dire, à peu près 80% des services universitaires sont sectorisés. Voilà, enfin, c'est une très petite partie. Non, mais bien sûr, mais on ne peut pas dire qu'elle ne l'est pas. Voilà, il y a une très petite partie des patients et les patients les plus lourds sont pris en charge sur ce qu'on appelle le secteur, c'est-à-dire on appelait l'hôpital psychiatrique, les asiles jadis. Donc, le travail au long cours se fait là et il se fait principalement à cet endroit-là. Il se fait de plus en plus. Effectivement dans le social et le médico-social, parce que les capacités de la psychiatrie sont débordées, donc si vous voulez, il y a un déplacement. Mais alors comment est-ce possible que les capacités de la psychiatrie soient débordées ? Parce que je l'ai dit et j'ai rappelé le nombre de psychiatres en France, 15 000. Où est le problème si les psychiatres sont là, c'est-à-dire que les patients sont mal pris en charge, mal diagnostiqués ? Il y a un problème de demande déjà qui augmente énormément. Et il y a eu une diminution du nombre de lits très importante au cours des dernières décennies. Et le livre appelle à aller un petit peu plus loin encore, alors que il me semble, et critique ce qu'il appelle l'hospitalocentrisme. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire? L'hospitalocentrisme, ça veut dire qu'on critique le fait que tous les soins soient centrés autour de l'hôpital. Et donc, il y a notamment au chapitre 2, si je me souviens bien, une critique un petit peu ironique des dispositifs de secteur dans lesquels on estime que le patient ne se retrouve pas. Et vous estimez que c'est important ? En pratique, c'est très important que ça soit centré par l'hôpital. C'est non seulement historique, alors on pourrait discuter de la validité de ce qui est historique, mais le rôle de l'enfermement dans la psychiatrie est central. Pas seulement historiquement, mais d'un point de vue aussi de la pathologie. Ce dont il s'agit, c'est-à-dire, on critiquait par exemple les lettres de cachet jadis, l'enfermement de force. Mais le but était de protéger le patient. Il s'agit aussi de protéger le patient de lui-même et de protéger la société aussi du passage à l'acte. Ça, c'est le problème fondamental de la psychiatrie. Si on ne le fait pas, et le livre cite l'expérience de désinstitutionnalisation de Bassaglia en Italie, sans le critiquer, sans le commenter. Or, les effets ont été des effets de désinstitutionnalisation massif des patients qui deviennent SDF ou qui basculent dans la délinquance avec ensuite la pénalisation de la maladie mentale. Donc, c'est très important l'hôpital. Et la critique adressée à l'hôpital dans ce livre me semble très injuste et dangereuse. Sur la question de ce que vous appelez l'enfermement, et c'est vrai que le terme peut effrayer, même si vous argumentez en faveur de cette pratique, oui, mais qui est une manière aussi d'exclure le patient de la société pour son bien, dites-vous. Là, l'enjeu est réel et Pierre-Michel Liorca, il me semble que vous ne partagez pas cette manière de voir. Puisque vous parlez d'insertion. Oui, bien sûr, mais en fait, je trouve ça extrêmement intéressant, c'est-à-dire, alors, plusieurs points. Le secteur est un dispositif qui a été, lorsqu'il a été pensé il y a maintenant 50 ans, extrêmement novateur. Donc, il faut pas l'oublier. Moi, je suis pas pour oublier l'histoire et faire le principe de l'ardoise magique. Mais justement, faut pas non plus s'enfermer là-dedans. L'évolution, y compris à tout point de vue, social, démographique, mais aussi de la pratique psychiatrique, a été considérable au cours de ces 50 dernières années, qu'on le veuille ou pas. Je pense que les psychiatres ne travaillaient pas il y a 50 ans comme maintenant. Je pense que les patients n'avaient pas les mêmes manières d'exprimer. Donc c'était juste pour revenir là-dessus, parce que c'est intéressant. Et en fait, personnellement, on ne peut que déplorer la manière dont s'est faite la fermeture de lits. Personnellement, la question pour moi n'est pas du nombre de lits fermés. C'est-à-dire qu'en fait, ces lits fermés, pour faire très simple, entre 91 et 2010, 55 000 lits fermés, à peu près 15 000 places d'hôpital de jour ouvert, c'est-à-dire de structures ambulatoires permettant les soins, centrés ou pas à l'hôpital. C'est des moyens sanitaires. C'est-à-dire comment on soigne les gens autrement que dans une hospitalisation temps plein. Ce que vous souhaitez. Ce que je souhaite. Sauf que, vous voyez bien, 55, 15. Je veux dire, vous voyez la différence entre les deux. La différence entre les deux, elle est de 40 000 places qui disparaissent. Ces 40 000 places qui disparaissent, c'est pas des places en tant que telles, ce sont des moyens. La psychiatrie a été une variable d'ajustement dans nos nombreux cas par rapport au budget sanitaire. Point à la ligne. C'est une constatation. Et ça, pour moi, c'est problématique. Bien plus que de savoir comment on organise. Ça, c'est un premier constat. Premier constat. Deuxième constat, effectivement, je veux dire, l'évolution des choses fait que, dans l'immense majorité des cas, le but n'est pas d'exclure les gens, mais plutôt de favoriser et c'était le sens même du secteur et de la désinstitutionnalisation. Le congrès à Paris en 58, je veux dire, était vraiment appelé de ses voeux la fermeture des asiles et la disparition des asiles. Il faut bien s'en rappeler, si on se rappelle de l'histoire. Et donc, à ce moment-là, l'enjeu, il arrive, et comment mettre en œuvre des dispositifs qui permettent de soigner les gens, non pas dans l'enceinte de l'hôpital, mais en dehors, dans de bonnes conditions. Ce qui n'est pas à l'heure actuelle le cas pour des raisons d'organisation et de moyens. Et troisièmement, il y a le problème, bien évidemment, de la nécessité impérative, à la fois pour les patients qui peuvent nécessiter des soins d'hospitalisation sous contrainte, du fait de leur état de santé, qui sont souvent des situations dramatiques à niveau individuel, mais aussi de patients qui, dans des phases de crise, ont besoin d'un lieu dans lequel leur niveau, ils se sentent dans des situations sécures, comme on peut dire, et qui sont nécessaires. Donc les lits hospitaliers, temps plein, sont absolument nécessaires. Mais il ne faut pas oublier la séquence. C'est d'abord une perte de moyens. Après la répartition. Ah non, c'est pas là, d'après ce que vous dites, c'est pas juste une perte de moyens. C'est le constat est très différent entre l'un et l'autre. Non, mais donc c'est pas qu'une question financière, là, c'est une question de conception même de la pratique de la psychiatrie. Absolument. Alors, je vous propose qu'on écoute ensemble. On arrive bientôt à la fin de la mission, mais pour aller dans ce sens de savoir, est-ce que finalement la question de l'enfermement, de la prise en charge du patient impliquant une exclusion serait une bonne chose ou pas? Voici un extrait d'un documentaire Histoire autour de la folie, qui raconte les personnes qui ont travaillé dans l'ancien hôpital Ville-Évrard en région parisienne. D'abord, un médecin qui semble être en faveur d'une assimilation de la personne jugée malade au sein de nous autres, qui, dit-il, ne sommes que des névrosés ordinaires. Et enfin, un extrait du documentaire Le psychiatre et l'assassin, où il est posé la question juridique du malade qui, n'étant pas pris en charge, va pouvoir commettre un acte. Et c'est le médecin qui se retrouvera responsable de l'acte. Écoutez. À mon avis, la seule chose qu'on sache faire, c'est de vivre avec des malades. Je crois que les infirmiers savent très bien faire ça, les infirmiers qui travaillent dans les unités de soins les plus cohérentes et les plus dynamiques, comme on dit. C'est des gens qui travaillent, qui sont avec les patients. C'est là qu'ils font, j'irais pas dire un accompagnement permanent, mais qui font les choses avec eux. Et à partir de là, il y a un effet de lieu qui se crée, c'est-à-dire dans cette convivialité, dans ce contact avec les patients, on apprend à gérer quelque chose de l'ordre de l'angoisse. C'est-à-dire que le patient ne guérit pas, il reste dans le même état, mais il en souffre moins. Voilà. C'est vraiment très modeste. Et à partir du moment où il en souffre moins, il peut, d'une façon cohérente, cohabiter avec les névrosés ordinaires qu'on est, quoi. On a une grosse interrogation sur la sortie de la semaine d'avant de Monsieur Guillaume. Il a fugué, donc normalement il aurait fallu en plus faire une déclaration au centre des fugues, ou je ne sais pas comment ça s'appelle, le service de police. Probablement que sa sortie de la semaine d'après n'aurait pas été possible. Ou en tout cas, on aurait fait attention plus à ce monsieur-là. En plus, le samedi d'après, il fait une crise en disant qu'il veut tuer quelqu'un. Peut-être quand même qu'on aurait eu suffisamment de signaux pour dire... Attention à ce monsieur, il faut peut-être faire attention à lui pendant les semaines qui viennent. Qu'est-ce qui allait empêcher monsieur Guillot de commettre un meurtre? Un meurtre. C'était Luc, mais ça aurait été quelqu'un d'autre. Enfin, clairement, ça aurait pas été le mercredi qui sortait, ça aurait été le jeudi ou ça aurait été le mardi, ça aurait été quelqu'un d'autre. Dans le jugement, on sait toujours pas trop dans quel cadre il est sorti. Oui. Donc c'est vrai que des éléments, un certain nombre d'éléments d'enquête qui auraient mérité d'être approfondis, l'ont pas été. On va l'obtenir, cette condamnation du docteur Mugédur. Parce qu'on ne pourra pas se sortir de cette affaire sans que quelqu'un soit déclaré pénalement responsable. Ça n'est pas possible. En 2008, Jean-Pierre Guillot, atteint de schizophrénie et hospitalisé sous contrainte depuis la fin des années 70, poignarde à l'abdomen un étudiant de 26 ans, Luc Meunier, qui meurt à la suite de ses blessures. En 2016, donc 8 ans plus tard, le psychiatre est déclaré responsable du meurtre commis par son patient. C'est une première judiciaire. En mai dernier, il a été condamné à 18 mois de sursis pour manque de surveillance et grave défaut d'appréciation de la dangerosité de son patient. Quand on entend cet extrait-là, les conséquences que ça peut avoir, la question de l'enfermement se pose à nouveau frais. C'est-à-dire que c'est pas simplement une question politique et financière ici, Pierre-Michel Yorca. Il y a une question là, pour le bien coup, sûr, mais c'est la question qui se pose depuis la structuration de la psychiatrie, de la capacité, de la responsabilité, de la dangerosité. Sauf que, oui. Je veux dire, on va pas, de manière très générale, les patients qui ont des troubles mentaux graves, qui sont potentiellement, ont ce niveau de dangerosité, c'est 0,5% des patients. C'est ça la réalité. Et en fait, l'immense majorité des patients sont eux victimes de la société, des difficultés, et c'est une autre problématique qui n'est pas identifiée. Les patients sont victimes de la société. Exactement, victimes de violences, victimes de crimes, beaucoup plus que la population générale. Donc en fait, le problème quand on fait des études sur la représentation mentale que la population générale a de la maladie psychiatrique, dans le domaine de la schizophrénie, les deux éléments qui viennent en premier, c'est imprévisibilité, dangerosité. Or en fait, bien sûr que ça existe, et c'est toujours des situations absolument dramatiques, sur lesquels il faut être extrêmement précis en termes d'organisation, d'évaluation, ce qui est évoqué dans cet extrait de documentaire. Ça fait partie de la spécificité du travail. Je le disais tout à l'heure, un psychiatre a la responsabilité de faire un certificat où il décrit ces éléments-là. Et c'est une partie extrêmement difficile du travail. Mais ça ne représente, une fois de plus, contrairement aux stéréotypes, qu'une infime minorité. Cette infime minorité justifie toute notre attention, toutes les organisations nécessaires, nécessite les enjeux, la formation qui doit être améliorée par rapport à cela. Mais si on parlait de biomarqueurs, si on avait un biomarqueur de la dangerosité, si on avait un ensemble de faisceaux qui nous dit « Monsieur machin est dangereux » et si on présidait l'avenir, moi j'adorerais prédire l'avenir, mais c'est pas le cas. Ce serait absolument effrayant. Je sais pas, on va savoir. Un dernier mot. Oui, on n'a pas permis aux psychiatres de continuer à s'occuper correctement de ces problèmes de dangerosité. Ça n'est pas en la niant qu'on traitera le problème. Aujourd'hui, la Haute Autorité de Santé refuse d'accréditer des établissements qui n'ont pas leurs portes ouvertes. Vous êtes obligé de laisser vos portes ouvertes dans votre service, même si vous avez des patients dangereux. Si vous fermez les portes, on vous dit « mais il faut laisser aller et venir les patients » qui ne sont pas en obligation de soins. Donc, au nom de la liberté de ceux qui ne sont pas en obligation de soins, on laisse les portes ouvertes. On n'a pas enseigné la clinique. On a mis des médecins qui étaient formés avec le DSM depuis des années, qui ne permettent pas de faire ce diagnostic de dangerosité. Aux récriminations des infirmiers se sont mis en grève ces derniers mois, le livre de Le Boyer-Liorca oppose la revendication de créer plus de postes de professeurs de psychiatrie. Je ne crois pas que ce soit la bonne réponse. Je crois qu'il faut libérer la psychiatrie de cet enseignement qui est néfaste et de l'accréditation qui l'empêche de fonctionner. Eh bien, chacun se fera son propre avis en lisant le livre de Marion Le Boyer, Pierre-Michel Liorca, Psychiatrie, l'état d'urgence, aux éditions Fayard. Merci Pierre-Michel Liorca d'être venu à ce micro aujourd'hui. Et merci Pierre Sidan d'être venu aussi sur les chemins de la philosophie. C'est la Madness de Miles Davis qui nous accompagne. Sur France Culture, les chemins de la philosophie, il est temps de retrouver le journal de la philo d'Anastasia Colosimo. On n'est pas là pour philosopher, Carpentier. Quand même. Incroyable. Bonjour Anastasia. Bonjour Adèle, bonjour à tous. Vous le savez comme moi, dans nos pays, le consensus autour de l'interdiction de la maltraitance des enfants est total. Dieu soit loué. En France, au-delà de l'édiction de normes éducatives, l'État, au travers de l'école et de bon nombre de services sociaux, veille à ce que les enfants ne subissent aucune violence, pression ou négligence de la part de leurs parents. Depuis 1989, l'État a même mis en place un service national d'accueil téléphonique pour l'enfance en danger. N'importe qui peut appeler le 119 et témoigner. L'appel est anonyme et enclenche une sorte d'enquête afin de savoir s'il y a lieu ou non d'intervenir. Mais il y a un autre sujet sur lequel le consensus, pour le coup, n'est pas total. C'est celui des violences ordinaires. Or, le débat n'est pas nouveau. Pour vous en persuader, écoutons ce journal télévisé datant de 2002. Faut-il interdire ou non l'usage de la fessée chez les enfants? La question est débattue. Il y a les pour et il y a les contre. Parmi les contre, le député maire d'Issy-les-Moulineaux, André Santini, qui veut faire voter une loi au Parlement contre la fessée. Et voilà ce qu'André Santini, à l'époque député maire d'Issy-les-Moulineaux, avait à dire sur le sujet. Le 22 mai 2000, j'attirais l'attention de Madame la ministre déléguée à la famille et à l'enfance sur le problème de l'impunité trop fréquemment accordée à ceux qui administrent encore des punitions corporelles à des enfants et exercent de la sorte une autorité illégitime sur des mineurs. Je citais l'exemple de la Suède qui, depuis 1979, a introduit un délit de punition corporelle et je demandais donc que l'on remette en cause le droit de punition, de fessée infligée par les parents. Mais à ce moment-là déjà, y compris chez les défenseurs de la petite enfance, l'interdiction de la fessée ne paraissait pas tout à fait nécessaire. C'est ce qu'exprimait dans le même journal télévisé Francisca Dauzet-Flamand, psychanalyste et militante pour la bientraitance des enfants. Légiférer, c'est un peu tôt aujourd'hui. C'est plus une affaire de culture que de loi. Une question non pas de loi mais de culture. Ce que Francisca Dauzet-Flamand semble ignorer, c'est justement la culture de la loi en France. Cette passion toute française de légiférer sur tout, et que l'on peut faire remonter, sans trop de raccourcis, à la théorisation de Rousseau de la loi comme expression de la volonté générale, et donc comme rempart au pouvoir exécutif et judiciaire dont les Français, tout au long de leur histoire, n'ont cessé de se méfier. Ça veut dire qu'André Santini a obtenu gain de cause ? Alors oui, mais pas tout de suite. La loi interdisant la fessée n'a été adoptée qu'il y a 2 semaines. C'est-à-dire plus de 15 ans après ce journal télévisé que nous venons d'écouter. Et comment on comprend un tel écart ? On peut avancer plusieurs explications. À vrai dire, il y a eu plusieurs tentatives pendant ces 15 années. Mais aucune n'a vraiment abouti. La dernière date de 2016. C'était une mesure greffée au projet de loi Égalité et Citoyenneté. Elle avait pour mission de modifier dans le Code civil la définition de l'autorité parentale, en excluant, je cite, « tout recours aux violences corporelles envers les enfants ». Mais la mesure a été censurée par le Conseil constitutionnel, au motif qu'elle n'avait aucun lien avec le projet de loi initial. C'est ce qu'on appelle en droit un cavalier législatif, une technique bien connue des juristes qui tente à faire passer une disposition législative sans éveiller l'attention de ceux qui pourraient s'y opposer. Car de l'opposition, il y en a. Si des associations telles que la Fondation pour l'Enfance ou l'Observatoire de la violence éducative ordinaire, suivies par de nombreux acteurs publics et de nombreuses personnalités politiques, militent pour ce qu'ils appellent une éducation bienveillante ou encore une parentalité positive qui exclut tout châtiment corporel, fessée ou gifle, l'idée a du mal à prendre et la fessée et la gifle sont encore perçues, par beaucoup de parents, comme une correction parfois nécessaire et qui ne témoigne en rien ni d'une maltraitance ni d'un manque d'amour. Ne dit-on pas après tout qui aime bien châtie bien ? Cette position-là est même défendue par certains philosophes, comme Emmanuel Jafflin, qui explique que les petits châtiments sont souvent utiles et témoignent de la relation charnelle qui existe entre des parents et leurs enfants, relation dans laquelle l'État n'a aucun droit de s'ingérer. Quoi qu'il en soit, la nouvelle proposition de loi interdisant la fessée adoptée il y a 2 semaines par l'Assemblée nationale, qui reprend mot à mot celle de 2016, n'est assortie d'aucune sanction pénale. Elle est avant tout à visée pédagogique, de l'aveu même de ses rapporteurs. De la pédagogie sans sanction, voilà une vision bien étrange. Reste à savoir si la fessée peut avoir une fonction pédagogique. Merci Anastasia Colosimo, votre chronique est à réécouter en ligne sur le site du journal de la philo. Merci à Isis Jourda qui a préparé cette émission avec Sharon Houry, Anaïs Isbert, Colomba Grossi, Géraldine Mosna-Savoie. C'est Thomas Beau qui réalise cette semaine avec Emmanuel Morsincan la prise de son aujourd'hui. On se retrouve demain pour la suite de notre série consacrée à la psychiatrie. Demain, nous serons en compagnie d'Evelyne Grossman avec qui nous parlerons d'Antonin Artaud qui souhaite lui en finir avec l'enfermement. D'ici là, si vous souhaitez réécouter cette émission, rendez-vous sur le site de France Culture à la page des Chemins de la Philosophie. Vous pouvez réécouter l'émission en ligne ou bien la télécharger, la podcaster pour l'écouter où vous voulez et quand vous voulez. Rendez-vous également sur les réseaux Twitter, Facebook, Instagram où nous attendons vos remarques et commentaires. On se retrouve demain à 10h donc, mais d'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.